n'est pas de Dieu manifesté. Tout la sorte que vous a manifesté avec le frère. Voilà, ça va, ça va. Va t'asseoir, frère Dumé. Va t'asseoir, s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse. J'ai un frère qui touche ses songes ici parce que c'est lié à son ministère. Ici, quand nous arrivons, je vous ai dit que j'ai rendez-vous avec le conducteur. J'ai rendez-vous avec le conducteur. Eux et moi, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Frère, le frère qui touche à côté de Dumé, ça va? Ça va, tu veux parler? Viens. Je sais que tu es timide. On sait que tu es... Tout le monde sait que tu es timide. Viens une fois timide ici. On sait que tu es timide, frère. Frère, non, après c'est toi. Il est timide, donc... Oui, quand je suis arrivé ici, comme le jeûne avait commencé, je n'étais pas au courant. Le frère m'a demandé de prendre le jeûne de 5 jours. J'ai pris le jeûne à sec. Donc quand il prend le jeûne à sec, il se dit, mais le frère m'a demandé de prendre le jeûne 5 jours. Je ne sais pas comment il prend le jeûne. J'ai vu le frère s'emmener, m'a dit, frère, tu m'as demandé de prendre le jeûne comment? Ah, ça ne te laissait pas déjà? Il m'a dit non. Et qu'il est en train de prendre la 6, il m'a dit non. Avec le jeûne à 8 heures. Je m'en considère comme ça. Bon, dans le moment, j'ai passé la nuit chez. J'ai demandé à la maison d'un frère. J'ai demandé à la maison d'un ami. C'est que, ouais, pour cela, je vais me mettre à la concentration. Je n'ai pas à travailler. Je vais un peu me reposer. J'ai besoin que tu me prêtes le chez toi. Parce que je me fais franchement être en communion. Il m'a dit, bon, pas de problème. Chez toi, pour ma maison. À tout moment que tu as besoin. Bon, je préfère passer mon temps. J'ai prévu avec ça, tout ça. Mais en tout ce que j'ai eu quand même. On m'a quand même prévenu quand même de ce m'amuser, je vais faire une cellule. Et qui fait que faire beaucoup en attention. Il laisse franchement le temps de Dieu être disponible pour moi. Qu'est-ce que tu as eu dans le son? Oui. Oh. Et ne vous voter trop que mon moment va arriver. Et qu'il fait les efforts pour être clair. Parce que j'ai un chemin à suivre. Mmh. Quand j'ai vu cela, le lendemain, j'ai un patron qui m'a appelé, un témoin de Jéhovah. Il m'a demandé de quelle église tu es. Et sur ça, je lui ai envoyé un texto. Je suis allé dans les 7 églises, je lui ai envoyé un texto dans le livre d'Apocalypse. Oui, j'ai envoyé un texto. Et là, après, il ne m'a pas répondu. Quand je suis allé chez lui, pour prendre une douche, je suis allé chez lui, parce qu'il me donne que je gardais, j'ai pris ma douche. Et ça, je l'ai salué, je l'ai trouvé, il était avec la Bible. Il a dit, oh frère, tu avais la Bible, tu as pris le temps d'étudier la Bible. Mais que lui, il m'a commencé, ça va très bien. Il dit, mais tu t'as envoyé le texto, tu ne m'as pas répondu. Tu ne sais pas le pourquoi, tu ne m'as pas répondu. Et que tu avais besoin de ce texto-là. Il m'a dit, non, parce qu'il l'a vu, mais il l'a lu, il l'a vu, mais il ne pouvait pas me répondre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais bon, on peut partager un peu la parole. Nous sommes restés là. Quand il a voulu tirer, il allait marcher témoin avec les frères. Pour le moment, je ne suis pas le moment prêt. Laisse quand le Seigneur va m'accorder cela. Je vais t'appeler, nous allons rester. On va partager franchement la parole. Parce que je t'avais envoyé le texte, tu m'as envoyé. Après, c'est m'a dit, ok, je t'ai envoyé, c'était un verset. Tu vas prendre, tu vas regarder. Je suis resté. Quand j'ai fini, j'ai allumé mon téléphone. Mon jeûne est fini lundi. J'ai allumé mon téléphone. J'ai eu beaucoup de messages sur mon numéro. J'ai eu son message, j'ai eu cet texto. Directement, j'ai pris, je me suis mis à regarder. J'ai même regardé ça chez. J'étais chez le frère Bomda. Hier, yeah. Quand nous sommes partis avant, on était à la prière avant, quand nous sommes allés. Je suis arrivé, première chose. Pas tant d'état, c'est près de moi. J'ai pris, c'était sur une feuille, j'ai pris la voiture à bord de ligne. J'ai vu qu'on là-bas, ça avait des petites phrases que je l'ai envoyé, qui va me concrétiser parfois sur la longue. Et en tout cas, je veux voir ça, je veux prendre ça au Seigneur, je vais étudier. J'ai mis ça dans ma Bible. J'ai d'abord déposé avant. Je me suis mis à prier à mon Dieu, le Seigneur, pour que tu me permettes de finir cette prière et que j'arrive et puis chercher et puis l'envoyer le texto. Bon, je ne l'ai pas fait. Bon, quand je vais le faire, je vais envoyer. Mais on m'a quand même prévenu pour certaines choses. Oui. Et certaines choses me fait franchement faire attention. Si je ne fais pas attention, je ne peux pas arriver à finir ma mission. Donc, durant les 5 jours des jeunes que tu as pris, tu as eu exactement la direction par rapport à ton appel, n'est-ce pas? Oui. C'est ça que je voulais entendre. Que le Seigneur te bénisse. Frère, non, viens. C'est comment tu vas? Tu as compris pourquoi c'est arrivé? Parle-nous donc maintenant. En fait, durant le programme,